Prologue. Renzo Cormignon, dame du temps jadis, dont l'âme est envolée en de bleus paradis, capricieuse et vague ainsi qu'une fumée, mais dont toute légende est un peu parfumée, spectre inoublié, vous qui venez le soir, invisible, pourtant présente vous asseoir, près des rêveurs et des poètes sans maîtresse, et répandre sur eux l'or de vos longues tresses, et les aimer dans l'ombre, et leur chanter tout bas les si vieilles chansons qu'ils n'inventeraient pas. Il nous plaît d'évoquer, fragile, en un poème, Berthe au grand pied, fleur de Hongrie ou de Bohême, qui sut rester chaste et fidèle avec douceur, qui fut presque une sainte, et qui fut votre sœur. Il nous plaît pour charmer une heure passagère, d'avoir là sous nos yeux sa présence légère, de plaindre sans amour, sans couronne et sans pain, celle qui fut promise au lit du roi Pépin, de suivre pas à pas ses fortunes diverses, de respirer, printemps noyé sous les averses, le parfum de son âme éclose un soir de mai, qui s'ouvre enfin comme un beau lys longtemps fermé. Il nous plaît de montrer dans l'ombre qui s'éclaire, portraituré en noir sur fond crépusculaire, les chevaliers portant le casque et le haubert, Pépin, la serve Alix et son cousin Tibère, et la vieille aux yeux secs qui trama l'imposture, et Dieu même qui, pour sauver sa créature, au cœur des trois sergents soudoyés pour sa mort, fit sourdre à temps la providence d'un remords, et la forêt du Mans, sans ciel et sans limite, et le bon paysan après le bon ermite, et là-bas, seul et vieux, sous leur nom tout en fleurs, le roi Florès avec la reine Blanche-Fleur.